Voilà, bah du coup, vous êtes donc l'atelier de sérigraphie. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est Useless Pride Records, c'est ça. Donc, bah, si vous pouvez nous présenter un peu ce que, enfin, vous présenter et aussi ce que vous faites en dehors de cette collab, si voilà. Alors, donc moi c'est Olivier, donc je suis associé dans la boîte. Et... Moi c'est David, je suis salarié, je suis sérigraphe. Je suis célibataire. ce qu'on fait, alors c'est un peu compliqué, parce qu'en fait c'est une boîte un peu complète. À la base, c'est un label de musique. Je me disais Records. Ouais, donc en fait, on vend des disques, on fait de la production d'artistes. Et après, on s'est rendu compte que les groupes de musique, nous on est surtout dans rock, metal, punk, tous les trucs de brutasse. Et on s'est rendu compte que finalement, on vendait vachement de t-shirts via les groupes. Et en fait, je vais me faire écraser. Et ouais, tous les gens chez qui on faisait la prod des t-shirts, ça se passait mal, tout bêtement. Et au bout d'un moment, on a monté l'atelier. Après, on aime beaucoup ça aussi, la sérigraphie. Donc, bon, moi, je suis pas doué, David, il l'est. Et c'est clair qu'on était là, putain, mais il y a un certain charme. Parce qu'après, les gens connaissent pas vraiment. Et à l'écrit, là, sur le site, ça sera un peu compliqué à décrire. Mais c'est vraiment un truc particulier. Il y a un process qui est super intéressant. Et voilà, donc après, on a monté l'atelier. Donc là, on fait le plus gros de notre travail maintenant, c'est vraiment de faire du texte sérigraphié. Donc des t-shirts, des suites, plein de trucs. Pour des groupes, des marques, des magasins, des tatoueurs. Ouais. Ok. Et du coup, bah voilà. Enfin, je pense que ça peut être intéressant quand même, parce qu'en plus, personnellement, pour d'autres gens et moi qui suis pas spécialiste, il me semble, si j'ai pas de bêtises, justement votre technique de fabrication, c'est assez artisanal par rapport à d'autres techniques qui peuvent exister de sérigraphie, non ? Alors en fait, la sérigraphie, c'est toujours un peu artisanal. Il n'y a pas vraiment d'atelier automatisé à 100%. D'accord. Donc là, par exemple, ce qu'on a fait là pour la petite usine, c'est semi-automatique. Donc, les étiquettes c'était en un petit peu de manuel, un petit peu de semi-automatique. Ouais, il y a plusieurs techniques. Mais en gros, en semi-automatique, le seul geste qui n'est pas humain, c'est juste la racle avec l'encre qui passe sur le t-shirt. Et sinon, après, tout le reste est manuel. Il y a un process qui est long et qui va être compliqué à expliquer, mais il y a un process qui est vraiment long. La préparation, en fait, quand on a le fichier sur l'ordi. Après, on imprime ça sur un transparent, on fait passer sur un cadre en fait avec un tissu tendu dessus. Et ça fait, on va dire, une espèce de pochoir, et après on passe de l'encre à travers. En fait, tout ça c'est un peu long, et ensuite on cale ça sur la machine. Et sur le semi-automatique, dans mon taf, ça va être d'enfiler les t-shirts, tous à peu près pareil. Et après, l'impression se fait toute seule. Okay. Et après, on les fait chauffer dans un tunnel pour cuire l'encre. Et après, quand on le fait au manuel, en fait, la racle, on l'a dans les mains et on fait un geste comme ça. Ouais. Et le marquer un geste comme ça. Ok, et du coup, comment vous avez travaillé ou quelle a été votre implication et au niveau de la collaboration avec la petite usine ? Alors nous, à la base, on n'est même pas collaborateurs ou partenaires, en fait, on est fournisseurs, donc c'est-à-dire qu'elles sont venues nous voir pour faire les prints. Et en fait, on a une très bonne amie en commun, donc c'est elle qui nous a mis en contact, et au final, on a discuté. Donc après, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec elle, finalement, on n'a pas juste pris la commande, printé et ciao. Donc, c'est ça qui était aussi intéressant, quoi. Ça permet d'avoir des projets où ouais, on n'arrive pas juste bonjour, voilà, ça c'est le textile, on print, tu payes, ciao. Voilà, c'est pour une marque, elles avaient un besoin, des envies, donc on peut marquer sur tout et n'importe quoi en termes de textile. Il y a des marques qui vont être marquage publicitaire, t-shirt de base, et il y a d'autres trucs comme là ce qu'on a utilisé qui sont un peu plus sympas en termes de coupe et de matériaux, tout ça. En fonction de la demande des gens, on peut s'adapter proposer un truc qui plaît. D'accord. Voilà, en plus elles sont parties sur du coton bio équitable. Il y a ça aussi qui est cool. On travaille sur des matériaux plus nobles. Et les encres aussi qu'on utilise, on n'utilise pas des encres de base, donc on utilise des encres à base aqueuse. Alors pas surtout, mais on utilise beaucoup d'encres à eau. On a des encres vraiment différentes, super fines, donc il y a des rendus qui sont assez spéciaux sur les vêtements. Et après, il y a tout ce côté-là qui est cool à travailler aussi avec les gens, parce qu'elles sont venues à l'atelier, à regarder regarder les encres, à regarder le textile, tout ça. Et même pour les filles, elles ont choisi des coupes qui sortent de l'ordinaire, elles sont pas arrivées, donc on dit ouais, des t-shirts. Donc il y avait tout ça qui était un peu cool. En fait, vu qu'elles avaient beaucoup de questions, on faisait un peu partie du projet. Parce oui. que ben, on les conseillait aussi. Donc on, voilà, une grande discussion sur ouais, tous les supports. Parce qu'en fait, c'est à la base, c'était même pas censé être bioéquitable, et en fait, au fur et à mesure, en discutant de ça, on a fait le truc. Ouais. Ça, ouais. Il se trouve qu'on a des fournisseurs qui sont cool, quoi, qui sont accessibles en prix et qui font des bons textiles. Donc, voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment vous qui les avez aidés pour. Attention, là, je vais avoir des problèmes. Voilà. En fait, la petite usine, c'est vous. Non, on leur a montré tout ce qu'on pouvait faire. Oui, ouais. Voilà, et après, c'est vraiment une envie de leur part. Oui, non, j'allais dire. Sur tel ou tel truc. Quoi. Oui, j'allais dire juste, vous les avez aidés dans le sens où bah, elles ne sont pas spécialistes, même du textile, enfin, mode, on va non, dire. Enfin, non. Je sais, non, je m'exprime nous, mal. On ne l'est pas parce qu'il y a tellement de trucs, mais. Ouais. Mais disons que. Ouais, on a parlé beaucoup de textile, on a parlé de beaucoup de choses, et donc en fait, ça leur permet d'affiner les choix. Parce que même, je pense qu'elle est. Bon, nous, des gens qu'on n'est pas tout, donc elle encore moins, vu que c'est pas leur métier de faire du marquage, etc. Donc en fait, on a un peu découvert les trucs ensemble, quoi. Même le t-shirt fille qu'elles ont choisi, c'est un truc que nous on n'avait jamais printé. Donc voilà, c'était cool pour nous aussi, ça nous a permis de bosser sur des trucs différents. Parce que. Il y a plein de sérigraphes qui ont genre un modèle de base pour le t-shirt, un modèle de base pour machin, et ils font à peu près toujours la même chose, quoi. Là, on essaie de s'adapter en fonction de la demande et des projets. Ouais, puis ce qui est cool, c'est que même elles ont bien décrit le projet. Elles sont pas arrivées, elles nous ont pas dit « Ouais, bonjour, en fait, on va faire deux séries de 50 t-shirts, on fait les trucs et ciao. » Donc elles nous ont expliqué les trucs comme quoi, il y a des artistes. Bien bossé, hein. Ouais, il y a. Non, franchement, le projet en fait était hyper complet. Donc quand elles nous en parlaient, nous on se sentait vraiment investis aussi dedans. Il y a un côté humain qui a été super agréable. Qu'on n'a pas avec tous les clients. Ça se ressent. Ouais. Bah, déjà, tous les clients passent pas à l'atelier. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, il y a eu un réel échange. Et du coup, vu que tu nous as dit que vous n'aviez pas de carte, où est-ce qu'on peut vous retrouver voilà, quoi. Je rigole. Non, parce qu'on est venu manger, c'est tout. En fait, on peut nous trouver sur www.uselesspride.com. Donc tu sauras l'écrire si tu avais calculé le. Au pire, tu demandes aux filles. De toute façon, je vais regarder, mais c'est juste. Ouais, tu regarderas. Et ouais, sur le site web. Alors, le site web, comme je disais, vu qu'on fait pas mal d'activités, en fait, même la partie sérigraphie, tu vas devoir la chercher parce qu'on fait vachement de musique et tout. Ouais. Donc, le site, il est pas du tout à jour, on doit le refaire. Et on n'a jamais le temps. Voilà. Donc, en gros, là, on est en mode. Tu vas chercher un peu. Et en tout cas, du coup. Vos locaux pour ou la musique ou la sérigraphie sont sur Toulouse. Ouais, sur la commune de l'Union en fait. On est à 10 mètres de Toulouse en fait. Il okay, y a une rue qui nous sépare de Toulouse. Ah, c'est derrière le Haut-Champ, hein, dans la zone d'activité. Balma, ouais. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok.